Bienvenue dans ce 10e épisode du podcast M'Optimise. Dans cet épisode, je vais vous parler de cette façon de rester au top professionnellement. Bienvenue dans le podcast du blog m'optimise.com. Je vais vous parler de life hacking, de développement personnel, de développement professionnel et de tech. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je vais commencer par remercier tous ceux qui écoutent les épisodes, tous ceux qui participent, qui partagent les épisodes. Ceux qui ont commencé à mettre des notes, des 5 étoiles dans iTunes, suite au dernier épisode avec mes camarades Matt et Priscille. Et pour l'épisode précédent qui parlait du changement, j'avais sélectionné un lien supplémentaire pour lié au changement professionnel. On n'a pas eu le temps de l'aborder, donc je vais profiter de ce podcast pour pouvoir vous présenter cet article. C'est un article de Michael Hyatt qui est en anglais. Vous aurez les liens, bien sûr, dans les notes de l'émission. Et cet article, c'est « 7 façons de rester au top dans un environnement professionnel en perpétuel changement ». Donc le premier point, c'est rester curieux, rester ouvert pour pouvoir voir les changements, voir ce qui se passe. Voilà, il faut rester curieux, rester ouvert. Discuter avec les gens, discuter avec les commerciaux, rien n'empêche de discuter avec la concurrence dans différentes occasions. Je pense que cette partie rester curieux, c'est le point qui va relier les 6 suivants, donc je vais pas développer plus. Le deuxième point, c'est lire de nouveaux livres. C'est un bon moyen de rester à jour de ce qui se passe dans son domaine et dans les domaines connexes. Alors je vois deux objections arriver, enfin une objection arriver qui est que les livres, ça met du temps à arriver à être publié. Quand c'est publié, bah, c'est des choses qui sont déjà utilisées dans la vie professionnelle, voilà, depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et là, moi, je vois deux choses. Je vois la première, c'est vrai, là je suis d'accord. En même temps, avec tout ce qui est maintenant e-book, c'est beaucoup plus facile d'avoir des nouveaux livres rapidement. Maintenant, ça devient tellement facile d'écrire un livre, de le publier, de l'auto-publier en façon e-book en n'ayant pas à payer des frais d'impression et des choses comme ça à l'avance, qu'on peut avoir des livres dans son domaine qui soit très récent et qui parle de choses actuelles. La deuxième, c'est qu'on peut parfaitement lire des livres qui sont sur des choses qui sont moins à la pointe ou qui changent moins rapidement. Typiquement, si vous êtes manager d'une équipe, je sais pas, dans les nouvelles technologies, dans la programmation, voilà. Peut-être que la programmation, ça change très très vite et que le temps que les livres sortent, c'est déjà un petit peu dépassé. Par contre, les notions de management et la façon de manager, c'est des choses qu'on peut avoir dans des livres qui sont sur des cycles un petit peu plus longs. Donc, vous pouvez lire des livres de façon globale sur le management, sur du marketing, sur des choses comme ça qui sont peut-être un petit peu à l'écart de votre domaine, mais qui seront tout à fait intéressantes, et ce qui est décrit dans les livres sera quand même utile et sera pas complètement dépassé. Le troisième point soulevé par Michael Hyatt, c'est écouter des podcasts. Donc là, typiquement, on est dans le cas d'écouter des podcasts. Moi, le problème que je vois au niveau des podcasts, c'est que dans une application professionnelle, c'est compliqué de trouver des podcasts dans notre domaine. Ça, c'est assez vite le cas, de trouver des podcasts bien. Et c'est toujours le problème de comment trouver et comment découvrir des podcasts. Là, c'est quelque chose où on n'a pas encore complètement de solution. Dans l'idéal, il faut chercher. aller écouter peut-être des podcasts sur des grands noms dans son domaine si on arrive à en trouver, et puis voir s'il parle d'autre chose. Voilà, et rester curieux, aller écouter à droite à gauche, discuter avec des gens, peut-être que eux ont entendu parler de podcasts dans votre domaine que vous ne connaissez pas. Voilà, on commence à avoir des podcasts dans tous les domaines. Typiquement dans la galaxie Nipcast, on a un podcast sur l'éducation. C'est sûr que voilà, au moins il y en a un comme ça qui est connu. Et en discutant et en écoutant, vous entendrez peut-être parler d'autres podcasts sur l'éducation, peut-être pas en France, mais qui peuvent avoir lieu en Suisse, en Belgique, en Canada, des choses comme ça. Donc ça peut être une bonne façon de faire. Et de la même façon que les livres sur les podcasts, rien n'empêche d'aller écouter des podcasts sur des domaines autres que votre domaine professionnel principal. Ça peut toujours être intéressant d'aller écouter des podcasts sur le marketing. Moi, j'ai aucune action de vente dans mon travail. Pourtant, j'adore écouter le podcast Nip Sales et j'apprends beaucoup de choses sur la vente. Et ça me sert à titre personnel et à titre professionnel, ne serait-ce que quand j'ai besoin d'interagir avec des commerciaux. Au moins d'avoir une compréhension de leur travail, ça facilite l'échange, ça facilite le fait de trouver un terrain d'entente. Et en plus, dans des domaines professionnels, le but d'un commercial, c'est aussi de fidéliser le client. Donc, quand on a compris ce genre de choses, on va discuter avec le commercial, peut-être de façon beaucoup plus ouverte, pour bien lui donner nos critères, nos besoins, pour qu'il nous propose la meilleure solution que lui il a. Et après, c'est également utile, voilà, ça peut être également utile dans le domaine personnel. Le quatrième point, c'est de participer à des webinaires, à des séminaires, à des conférences. Les séminaires et les conférences, et même les webinaires, c'est justement, là, on est sur quelque chose, on est sur de l'audio, on est vraiment à la pointe de ce qui se fait dans notre domaine. Et donc, c'est un très bon moyen de pouvoir savoir ce qui se passe dans notre domaine, qu'est-ce qui est en train de changer, quelles sont les perspectives. Le but de tout organisateur de séminaires et de conférences, c'est de parler de ce qui est à la mode en ce moment pour pouvoir faire venir tout le monde, mais également de pouvoir parler de ce qu'on arrive à anticiper dans les changements pour pouvoir ensuite dire regardez, on était dans les premiers à en avoir parlé, à avoir fait une conférence sur le sujet. Donc les conférences et les séminaires, c'est des très très bons moyens de pouvoir se tenir au courant de ce qui se passe dans son domaine. Et les webinars, c'est... Alors les webinars, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de conférence, mais en ligne sur l'ordinateur. Vous vous connectez, vous voyez la présentation de la personne, il y a l'audio, et souvent à la fin, il y a une séance de questions-réponses où vous pouvez envoyer... Souvent, il y a un chat dans le système de webinar pour pouvoir envoyer vos questions, et donc à la fin, la personne qui a fait la présentation répond à certaines questions, et voire même, selon les questions, peut vous recontacter plus tard pour discuter avec vous de façon un peu plus approfondie selon votre question. L'avantage des webinars, c'est que ça va vous permettre d'accéder à des contenus ou des choses qui sont pas forcément dans votre pays, qui sont loin. Moi, je sais typiquement dans mon domaine, quand tu es une entreprise qui est basée en Allemagne ou dans des pays nordiques, ne serait-ce qu'en Angleterre ou de l'autre côté de l'Atlantique, voilà, suivre un webinaire, c'est une bonne façon de pouvoir avoir les informations, la présentation, sans avoir à physiquement se déplacer, parce que participer à des séminaires et des conférences, ça veut dire qu'il faut physiquement se déplacer sur le lieu, et ça on peut pas forcément tous le faire pour des raisons euh, professionnels, parce que les entreprises réduisent aussi les frais de déplacement et de participation à des conférences ou à des séminaires. Et après, à titre personnel, vous pouvez aussi ne pas forcément vouloir vous éloigner de votre famille trop loin, trop longtemps, ou voilà. Donc les webinars, c'est une bonne façon de faire. L'avantage des webinars également, c'est que si l'horaire ne vous convient pas ou vous avez un impératif professionnel ou quelque chose comme ça, souvent, si vous n'avez pas participé au webinar ou même si vous y avez participé, vous recevez, après que le webinar se soit passé, un email vous disant « vous n'avez pas participé au webinar ». Vous pouvez accéder à la présentation et à l'enregistrement de l'audio qui correspond pendant... Alors ça va dépendre des webinars et des entreprises, de la façon dont elles gèrent, mais ça peut être pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, un mois, voire certains, il n'y a pas de limite. Donc voilà, c'est un bon moyen de pouvoir se tenir au courant, et voilà, dans un contexte professionnel où on n'est pas forcément disponible à des heures bien précises pour participer à un webinar, il y a la possibilité, un peu comme un podcast, de pouvoir réécouter les choses par la suite. Le point suivant, prenez des cours, suivez des formations, suivez des MOOC. J'avais fait sur le blog un article sur ce qu'étaient les MOOC, qui sont des systèmes d'enseignement en ligne, en général gratuits. Et j'en avais fait un détaillé sur apprendre à apprendre. Donc vous pourrez aller consulter mes articles du blog dans le domaine. Donc voilà, au début on disait rester curieux. Rester curieux, c'est participer à des webinaires, à des séminaires, à des conférences, prendre des cours dans votre domaine ou dans des domaines un petit peu à côté. On a la chance en France d'avoir le droit, quand on a travaillé plusieurs années, de pouvoir d'avoir cumulé du temps de formation, donc c'est des choses qu'on peut utiliser. Et ensuite, selon les entreprises, on a des formations en interne disponibles. Voilà, donc c'est toujours un bon moyen pour continuer à évoluer dans notre domaine professionnel, ou justement préparer un possible changement professionnel en prenant des cours et en suivant des formations. Le sixième point, c'est faites-vous coacher et rejoignez des groupes. Donc là, typiquement, je dirais hors professionnel, si vous avez décidé de courir un semi-marathon ou un marathon dans un an ou dans un an et demi et que vous n'avez pas fait de sport depuis une dizaine d'années, il va falloir vous y remettre avant pour pouvoir faire votre marathon. Et une des façons de faire, ça peut être de prendre un coach, de payer un coach, qui va, lui, être là pour vous pousser à vous entraîner, qui va ajuster l'entraînement en fonction de votre condition physique pour pouvoir le faire de façon progressive, pour que vous ne décidiez pas tout d'un coup du jour au lendemain de partir sur le premier jour sur 10 km et au bout de 5 km, vous allez vous blesser et de toute façon pas pouvoir faire ce que vous vouliez faire. C'est une bonne façon, voilà, d'avoir quelqu'un qui va justement vous coacher, être là pour vous motiver, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir vous dépasser. Et c'est également une bonne façon d'arriver à votre but, parce que derrière il y a un levier financier. Vous payez quelqu'un et donc vous avez envie d'avoir des résultats. Donc ce coaching, c'est quelque chose qui peut être également fait dans le monde professionnel. Moi, à ma connaissance, c'est souvent le cas quand vous voulez aller plus haut dans l'entreprise, avoir des fonctions managériales plus élevées. Souvent, le coaching, c'est une bonne façon de faire pour avoir quelqu'un un peu derrière qui vous pouvez discuter des problèmes que vous avez à l'heure actuelle éventuellement dans l'entreprise, de quel est votre but, de comment l'atteindre, et lui il va vous coacher, vous encadrer pour aller plus loin. Certaines grosses entreprises le font d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles vont identifier certaines personnes dans l'entreprise et les préparer avec des systèmes de formation, avec des systèmes de coaching, pour les préparer à aller dans les top managers de l'entreprise à 5 ans, 10 ans, voilà, des choses comme ça. Donc le coaching, ça peut être quelque chose qui peut être fait en interne avec l'entreprise, ou ça peut être des choses que vous pouvez faire personnellement pour pouvoir évoluer, ou pour pouvoir également changer de fonction ou même changer de travail. Rejoindre des groupes, ça c'est quelque chose dans tous les domaines professionnels. Il y a des groupes de personnes qui font plus ou moins la même chose que vous, qui se réunissent, qui vont définir des règles, qui vont définir des façons de travailler, qui vont définir des bonnes pratiques, qui vont réfléchir au futur. Donc rejoindre ce type de groupe, c'est une bonne façon aussi de rester au top professionnel, de voir les changements arriver. Typiquement, justement mon camarade québécois Mathieu du podcast L'Eclectic Show avait dans une de ses émissions précédentes parlé des groupes Toastmasters. Donc voilà, des gens qui se regroupent pour préparer des groupes d'entrepreneurs ou se former à faire des présentations à l'oral devant du public ou devant du monde pour des conférences. Il y a dans tous les domaines des groupes de travail, donc c'est une bonne façon aussi d'avancer là-dessus. Et le dernier point soulevé par Michael Hyatt, c'est rencontrer de nouvelles personnes. Donc voilà, ça reste de toute façon une très très bonne façon de rester au top, de rencontrer du monde, de discuter de la façon de travailler, de discuter de ce que chacun perçoit comme possibilité pour le futur, de confronter nos points de vue, d'en découvrir de nouveaux peut-être. Donc rencontrer de nouvelles personnes, c'est une très très bonne façon de faire. Et après, vous pouvez rencontrer des gens qui sont très très avancés, des fois très très utopistes, et vous pouvez aussi rencontrer des gens qui ne veulent pas voir ce changement arriver. Et ça peut être aussi un déclencheur personnel à dire, mais moi je veux pas être comme ça, je veux suivre le mouvement, je veux l'anticiper, voilà. Donc rencontrer de nouvelles personnes, ça peut être fait dans beaucoup des éléments présentés dans cet article, des séminaires, à des conférences, à des formations. C'est des bonnes façons de rencontrer du monde, dans des groupes aussi. Du coaching, le coaching peut être individuel ou peut être en groupe. Voilà, donc c'est un article que moi j'ai trouvé très très intéressant. J'avoue qu'à titre personnel, j'ai encore du travail, je suis loin de suivre les sept manières de rester au top. Donc n'hésitez pas à dire dans les notes de l'émission ce que vous en pensez, ce que vous faites, si vous pensez qu'il manque quelque chose. N'hésitez pas à faire ça sur Twitter, @moptimize, sur le blog moptimize.com. Et n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, à mettre des notes, des 5 étoiles sur iTunes pour pouvoir également participer au concours jusqu'à la fin du mois de juin, pour avoir la chance de peut-être de gagner le livre audio qui a mangé mon fromage sur Audible. Donc c'est fini pour cet épisode et à bientôt pour le prochain. Au revoir.